Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule Radio. Je suis Luc Desormeaux et cette semaine encore une fois, j'animerai cette belle émission sur l'automobile avec mon collègue et mon ami Marc Bouchard. Salut Marc! Salut mon cher! Comment vas-tu? Ouf! Ça va comme un gars dont l'hiver commence puis j'aime pas le froid, fait que je suis un peu moumoune ces affaires-là. Ça commence à être un peu frisqué, hein? Ah ouais, non, moi je suis pas là, là. Puis il me semble que l'automne, tu sais, ça agit sur mon humeur, ça agit sur mon énergie. Je suis vraiment pas là. Pourtant, les couleurs, c'est super beau, mais il fait tellement... Tu sais, il commence à faire clair tard, il commence à faire noir de bonheur. Et c'est pas pour s'améliorer d'ici le printemps prochain. Donc oui, ça peut être un peu décourageant, mais sachez que le printemps arrive toujours à un moment donné. Des fois, il prend clairement son temps, mais il arrive toujours à un moment donné. Ouais, ça, c'est juste que c'est un peu, je pourrais dire, je trouve ça de bonheur. Je suis pas là, là. Je suis pas rendu là encore. Là. Tu vas dans les magasins et on sort des décorations de Noël. Excusez, là. Ouais. Juste à côté de celle d'Halloween. Ouais, mais je suis vraiment pas rendu là. Non, je peux te comprendre. On aimerait ça que l'été dure un peu plus longtemps. Mais bon, on vit au Québec. Il faut vivre avec ce qui se passe au Québec. Donc, ah, remarque que tout le monde est gelé cette semaine au Québec. Fait que... Ouais, c'est pas nécessairement pour les mêmes raisons que le monde est gelé, mais ouais, c'est ça. C'est... En tout cas. Fallait short une joke de pote. Fait qu'on va quand même un peu être dans l'actualité si on veut que notre podcast ait de l'allure un peu. Fait que okay. Fallait faire une joke de pote. Ouais. En fait, merci beaucoup. Voilà. Parfait. Donc, Marc, on va finir ce segment éditorial. On va aller rejoindre tout de suite Martin Archambault de l'AVEC pour une chronique véhicule électrique. Puis après ça, on va revenir avec nos essais de la semaine. Et on rejoint Martin Archambault de l'AVEC pour notre chronique voiture électrique. Salut, Martin. Hey, salut, vous autres. Ça fait tellement longtemps que je suis en train d'oublier vos prénoms, là. Ben oui, à un moment donné, on se disait, ah, tu sais, la prochaine fois, il faudrait que ça soit moins long entre deux chroniques. Non, on n'apprend pas ça. On échoue lamentablement. Pas mal. Ben, c'est ça. On va se présenter aux élections. Je pense qu'on va être popé. Donc, Martin, on a quelques sujets ce soir. Tu veux commencer avec une affiliation, qu'on pourrait dire, entre deux compagnies de bornes de recharge, Flow et ChargePoint. Oui, tout à fait. Tu sais, c'est pas des mariages qui sont naturels dans le cas de Flow et ChargePoint. C'est même des réseaux concurrents dans bien des provinces canadiennes. Il n'y a pas beaucoup de ChargePoint au Québec. Il y en a un petit peu, mais il y en a dans le reste du Canada et surtout beaucoup aux États-Unis. Mais ce qui est intéressant de cette entente-là, c'est que c'est une entente... En fait, la plus belle comparaison qu'on pourrait pas faire, c'est par exemple entre les compagnies de cellulaire entre le Canada et les États-Unis, là, qui fait que quand tu traverses les lignes, ben ton cellulaire il arrête pas de marcher, même si par exemple tu es avec Bell puis qu'il n'y a pas de Bell aux États-Unis, ben il y a une compagnie américaine, AT&T, qui prend la relève, puis tu peux continuer à parler au téléphone, puis la même chose les Américains qui viennent ici, qui sont sur AT&T, eux autres ils switchent sur Bell puis ils continuent à parler, puis à la fin du mois les deux compagnies font le compte, on t'a livré pour tant de milliers de dollars de services, l'autre a dit oui, moi pour tant de milliers, puis ils font la différence entre les deux, puis celle qui a offert le plus de services ben, reçoit un petit peu d'argent en compensation entre les deux. C'est exactement ça qui se passe entre Flow et ChargePoint. Fait que ce que ça fait en gros, là, c'est qu'un Québécois qui a sa carte, pas sa carte, mais qui a l'application, parce que ça marche uniquement avec l'application mobile, c'est important de le dire, là. Donc les lecteurs de cartes à puce sur les bornes n'ont pas été harmonisés, c'est vraiment logiciel pour l'instant. Okay. Donc quelqu'un qui a son téléphone intelligent avec l'application du réseau Flow, ben il peut traverser les lignes puis arrêter n'importe quelle borne ChargePoint et démarrer la borne ChargePoint. Donc, il va dans l'application Flow puis il va voir les bornes non pas juste du réseau Flow mais également de ChargePoint. Il va localiser la borne où il est. Donc, l'appareil le géolocalise puis il monte normalement la borne où il est. Il la démarre avec son application puis ça va être facturé au même prix que s'il y avait une carte ChargePoint. Donc, aux États-Unis, là, les prix des bornes varient beaucoup d'une ville, d'un état à l'autre. Donc, mettons que c'est une borne, je dis n'importe quoi, là, qui coûte une pièce et 50 US dollars, ben tu démarres ta borne puis ça va te coûter 1,50 US dollars. Il n'y a aucun frais que Flow va te charger pour ce service-là. Tu payes comme si tu payais directement à ChargePoint. Et c'est la même chose à l'inverse. Un Américain qui vient ici, ben lui, il va se charger sur des bornes Flow comme s'il était sur le réseau ChargePoint finalement. Donc, c'est très intéressant. Ça permet de s'en aller aux États-Unis. ChargePoint, il faut le dire, c'est le plus gros réseau de bornes de recharge aux États-Unis. Et Flow, c'est le plus gros réseau de bornes de recharge au Canada, le deuxième plus grand au Québec, parce qu'évidemment, au Québec, on a le circuit électrique. Mm-hmm. Donc, que ça permet aux gens, là, aux Québécois, aux Canadiens, de traverser les lignes, d'aller où ils veulent aux États-Unis, partout où il y a des bornes charge point, bien entendu, puis de l'utiliser comme s'ils étaient à la maison. Évidemment, on doit utiliser le cellulaire. Ça veut dire qu'il faut prévoir des frais d'itinérance sur notre cellulaire, par contre. Donc, si on n'a pas un forfait ou un cellulaire qui fonctionne normalement aux États-Unis sans frais, ben il va y avoir des frais de cellulaire qui vont s'appliquer, bien entendu, puisque ça prend absolument l'application mobile pour démarrer les bornes. Ouais. Fait que c'est une première. Je me suis entretenu avec le président de Ad Energy qui me disait que pour lui, c'est une première et que son désir est d'essayer d'unifier le plus de réseaux possible entre le Canada et les États-Unis. Pour que, à l'idéal, là, c'est qu'un Nord-Américain, il n'a pas besoin de 18 applications, il en a besoin d'une, un abonnement à une compagnie, puis il est capable d'utiliser toutes les bornes de tous les réseaux. Fait que, on espère que ça va continuer comme ça. C'est facilitant pour tout le monde. Oui, on aime ça simple. Puis s'ils peuvent simplifier cette partie-là, ça va faciliter la vie des gens qui veulent traverser aux États-Unis avec leur véhicule électrique. Ouais. C'est bien. De l'autre côté, quelque chose qui est un peu moins facile, ça a l'air que les livraisons de voitures chez Tesla, c'est un peu complexe. Ben oui, c'est complexe. En fait, ils en livrent beaucoup. Faut parler des bons et des moins bons côtés. Les bons côtés, c'est qu'ils avaient dit qu'ils en livreraient beaucoup et ils en livrent beaucoup avec les avantages et les inconvénients qui viennent avec. Je résumerais ça par l'expression « ils sont débordés ». Je pense que ça décrit bien la situation avec les inconvénients qui viennent avec. Ça veut donc dire que les gens se plaignent beaucoup d'avoir des difficultés à les rejoindre. Le service à la clientèle par téléphone quasi inexistant parce qu'à peu près impossible de parler à quelqu'un, à un être humain. Faut se présenter sur place, on va être capable de rencontrer quelqu'un. Et encore là, les gens sont tellement débordés que c'est difficile de parler à quelqu'un. Ceci dit, l'autre parallèle qu'on peut faire, c'est que c'est un peu comme le système de santé. Tout le monde dit la même chose. Une fois qu'ils s'occupent de nous autres, par contre, on est traité aux petits oignons, mais c'est difficile d'entrer en contact avec eux. On a des livraisons, là, des 12-15 véhicules livrés par jour. Il y a eu des fins de semaine blitz aussi où ils se livraient là, des voitures à l'appel avec une tonne de bénévoles pour les aider à livrer les voitures. Donc, évidemment, ça fait une explosion de Model 3 sur les routes. Je pense qu'on peut le voir. On en voit de plus en plus. Les gens sont bien heureux quand ils ont le véhicule, mais quand il y a un petit pépin, une petite anicroche ou, tu sais, des... Bon, ça peut être une simple question ou encore ces voitures-là, comme n'importe quelle autre voiture, il arrive qu'il y a quelque chose qui est supposé fonctionner, qui ne fonctionne pas parfait, on veut poser des questions, on appelle, on n'a pas de réponse, puis tu sais, il faut comprendre que les Tesla 3 livrés actuellement, c'est les gros modèles, c'est des modèles qui coûtent là, entre 70 et 80 000 $ canadiens avec les taxes et tout ça. Là. Les gens sont un peu par moment en furie d'avoir dépensé autant d'argent et d'avoir l'impression de ne pas avoir de service à la clientèle. Ça reste que tout le monde semble tout à fait ravi de la voiture, par contre, là, donc rien à dire à propos de la voiture, mais parfois le service, c'est un petit peu difficile. Ce qui est inquiétant, moi, je trouve, là-dedans, c'est que on livre les voitures à coût de 15 par jour, donc c'est beaucoup, mais en même temps, c'est réparti. S'il fallait qu'il y ait un rappel qui force, par exemple, Tesla à changer une pièce importante de la voiture et puis qu'il y ait une période de temps assez courte pour le faire, par exemple, un rappel de Transport Canada ou des trucs comme ça, il y a deux points de vente au Québec. J'essaie de m'imaginer comment ces milliers de voitures-là pourraient être prises en charge par deux points de service. J'arrive pas à faire l'équation. Ça pourrait être compliqué et assez long, mettons. Oui, c'est ça. Bon, beaucoup d'ajustements logiciels dans le cas de Tesla, par contre, et ça donne un bon coup de main. Là, la version 9 vient d'être poussée dans les véhicules, plein de nouvelles fonctionnalités. Fait que les gens sont bien contents. C'est un petit nanan des nouvelles fonctionnalités qui n'étaient pas là avant, mais n'en demeure pas moins que si le problème était mécanique là, ou demandait de l'intervention de mécaniciens sur la voiture, ben c'est là que c'était un peu plus difficile. Mais on va leur laisser un peu de temps. Là, au moins, même s'il y a eu du retard dans la livraison, la vitesse, la cadence de livraison à date est bonne. Fait que ça, il faut lui donner, là, ça livre à vitesse grand V. Non, c'est bien, mais il faut juste que Tesla apprenne que changer des freins, ça se fait pas par le réseau cellulaire. Non, effectivement. Une mise à jour, oui, mais s'il faut changer une pièce, comme tu dis, ça devient un peu plus compliqué. Ça prend des mains, normalement, pour travailler là-dessus. Oui. Mais c'est ce que je trouve vraiment quand même bien de Tesla, là, c'est qu'un soir, tu vas te coucher, le lendemain matin, tu te réveilles, tu arrives dans ton auto et tu as des nouvelles fonctions. Ce qui est comme à peu près juste eux qui font ça là, présentement, là, mais ça... Ça va probablement devenir un peu plus fréquent parce qu'il y a de plus en plus de compagnies qui ont des services connectés avec les voitures maintenant. Là, Hyundai a ça, il y en a plusieurs, Nissan a ça. Mais tu sais, d'avoir des nouvelles fonctions complètement, là, ça, ouais, c'est assez intéressant. Ouais, c'est surprenant. Ouais. Super. Une autre chose qui est intéressante, c'est que, bon, il y avait des rumeurs à un moment donné qui disaient qu'il n'y avait plus d'argent au Québec pour les voitures électriques, que le fonds qui avait été mis de côté pour inciter les gens à s'acheter un véhicule électrique serait vide, il n'y aurait plus d'argent, et c'est pas nécessairement le cas. Ben non, en fait, ben oui et non, c'est-à-dire que l'argent qui avait été mis de côté pour le programme, en fait, c'est le programme roulé électrique, là, le 8 000 $ de rabais à l'acquisition d'un véhicule électrique, c'est des sommes qui sont gérées soit par Transition énergétique Québec, et puis, évidemment, TEQ, Transition énergie Québec, avait mis un certain nombre d'argent dans un pot. L'objectif était, on se rappelle, là, c'est 100 000 voitures électriques d'ici 2020. Maintenant, il y a des voitures neuves, il y a des voitures usagées, c'est pas le même montant de subvention, il y a des hybrides rechargeables qui n'ont pas le même montant. En fait, le programme a super bien marché, beaucoup avec du 100% électrique neuf, donc beaucoup de 8 000, très peu de 4 000, ce qui fait qu'on est arrivé dans le fond du bucket un peu plus vite que prévu. Par contre, c'est pas, l'argent est là et il y en aura jusqu'à temps qu'on atteigne le 100 000 véhicules et ça a été reconfirmé. Nous, on a parlé avec Mme Guertin de Transition énergétique Québec, pardon. Elle nous a confirmé que c'est tout simplement, oui, c'est vrai que le bucket s'en vient vide, mais c'est une manœuvre administrative. Là, d'ici le début 2019, il va y avoir un deuxième versement d'argent dans le pot pour ces subventions-là. Fait qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Le 100 000 véhicules sur les routes est toujours maintenu comme objectif, là, c'est-à-dire que l'objectif est de maintenir le 8 000 $ d'incitatif sur un véhicule 100% électrique neuf tant et aussi longtemps qu'on n'atteindra pas le nombre de 100 000 véhicules. Donc, les coffres, oui, ils s'en venaient vides, mais ils vont être renfloués, là, ça a été confirmé. Bon, c'est super. Aussi, dernière petite nouvelle, il y a GM qui veut commercialiser un VUS 100% électrique, puis ça, pas dans plusieurs années, là, ça serait théoriquement dès l'année prochaine. Oui, ça serait annoncé à Los Angeles dans quelques semaines, quasiment, on peut dire. Donc, on devrait avoir des nouvelles. Il y a très peu d'informations qui ont coulé là-dessus. GM, par contre, le seul élément qu'on sait, c'est que ça serait basé sur le même système d'accumulation, donc de batterie et d'entraînement que la Chevrolet Bolt. Et pourquoi pas, parce que c'est efficace. Ben oui, exactement. Donc, un VUS, on peut s'attendre probablement à quelque chose d'un petit peu plus pesant qu'une Bolt. Donc, si on a les mêmes batteries, on peut s'attendre à une autonomie semblable, mais légèrement à la baisse, compte tenu du poids du véhicule. Il y a beaucoup d'annonces de VUS, là, de petits VUS ou de VUS plus standards par les différents manufacturiers pour les prochaines années, donc 2019, 2020, 2021. Puis c'est un segment qui est très peu exploité. Là. Tu sais, si on regarde, nous, l'association, là, les gens disaient c'est juste des petites voitures. Puis là, ils ont commencé à faire des voitures un peu plus grandes, des voitures un petit peu plus familiales. Là on entend beaucoup, il n'y a pas beaucoup de VUS, j'ai hâte qu'il y ait des VUS. Là, maintenant, il faut voir les capacités de remorquage et tout ça de ces véhicules-là. Il ne faut peut-être pas penser que les premiers modèles ou les petits VUS qui vont sortir vont être capables de traîner des roulottes. Mais côté espace, les gens qui font un petit peu de plein air, qui veulent être capables de mettre du stock un peu en arrière, puis peut-être un toolet un peu plus gros sur le toit, puis traîner la famille en camping, ben c'est peut-être plus le fun de le faire dans un VUS que de le faire dans une petite familiale ou une toute petite berline, comme c'est souvent le cas avec les voitures électriques. Donc, ça va être à surveiller, mais c'est un segment de marché qui est peu exploité puis pour lequel il y a énormément de demandes. Il s'agit de voir là, la réaction du public puis les réservations pour les Kona puis tout ça. Pour Kona, même là, c'est un très petit, là, il appelle ça un VUS, mais ouais, c'est un petit vieux. C'est plus un CUV, c'est un véhicule urbain, là. C'est un VUS urbain. Exactement. Exactement. VUS, mais c'est quand même un type de voiture pour lequel il y a beaucoup, en tout cas, chez les amateurs de voitures électriques, à tout de moins, là, j'entrerai pas dans les secteurs que je connais moins, mais c'est un type de véhicule pour lequel il y a beaucoup d'intérêt et les gens attendent ce type de véhicule-là. Donc, si GM effectivement lance dès l'an prochain un VUS 100% électrique, ça risque d'avoir un certain attrait, mais dès qu'on aura plus de détails, évidemment, ils vont me faire plaisir de venir t'en parler. Parfait. Ben, merci beaucoup, Martin. Si les gens veulent te rejoindre ou ont des questions, comment font-ils cela? Ils peuvent m'écrire à martin@aveq.ca ou visiter le site de l'association www.aveq.ca. Super, Martin. Toujours agréable. Puis on se reparle de la manière qu'on est parti dans 6 mois. Essayons donc de faire ça avant. J'aimerais ça te souhaiter joyeux Noël. Ça serait pas pire, hein? Oui, oui, pas pire. Merci, Martin. À la prochaine. C'est bon, merci. Bye-bye. Alors, nous, on va faire une petite pause, puis on revient tout de suite avec Marc et nos essais de la semaine. Nous sommes de retour, et Marc, c'est l'heure de nos essais de la semaine. T'as essayé quelque chose, ma foi, d'assez gros, mais un véhicule que t'aimes bien, ton préféré, à ce que je sache, dans le segment des pick-up, des camionnettes, le Ram 1500. Oui, monsieur, le Ram 1500 Sport 2019 que j'ai essayé. Tu l'as dit, j'aime les camionnettes, j'aime le Ram 1500. J'aime son côté un peu plus macho, un peu plus assumé comme camionnette, même si pour 2019, on a considérablement changé le design. On arrive avec quelque chose qui est un peu plus passe-partout, un peu plus chromé, un peu plus, tu sais... On ressemble plus aux autres un peu, je te dirais. Okay. Mais malgré tout, on a vraiment un camion. Moi, j'aime ça, les camions. Il n'y a pas besoin. J'ai aucun besoin de ça. Il y a beaucoup de gens qui n'ont aucun besoin de ça, mais on aime le look, on aime la conduite parce qu'on est plus haut, on se sent en sécurité. Ah, écoute, je l'assume clairement. Je me sens macho quand je conduis ça. Ça n'a même pas de bon sens. Et pourtant, ça n'a aucune utilité dans mon cas, mais je trouve ça super le fun. Et surtout que j'avais la version sport qui est exclusive au Canada si on triche un peu. Okay. Parce que c'est vrai que le Ram Sport n'existe pas aux États-Unis sous le nom de Ram Sport. Mais il y a une version qui s'appelle le Ram Classique qui ressemble à s'y méprendre, je te dirais. OK. OK, fait qu'on n'est pas loin de la même chose. Mais en fait, le Ram Sport est une exclusivité canadienne. C'est un véhicule qui, essentiellement, a une particularité qui est esthétique surtout. C'est-à-dire qu'on lui a mis, par exemple, des grosses entrées d'air sur le capot. Tu sais, il y a vraiment un look des roues noires. Vraiment, on a changé le style un peu pour lui donner une allure encore plus oomph, là, plus musclée. Sauf que c'est vraiment question de look. L'intérieur est noir. T'as pas d'autres possibilités avec le sport. C'est vraiment la seule qui est disponible. Okay. Ouais, c'est peut-être un peu plate, mais bon, c'est pas... Oui, puis non, en même temps, je trouve que ça lui va bien. Là. C'est fait que moi, j'ai beaucoup aimé ce camion-là. Et comme tu l'as dit, j'ai déjà un faible pour ça. C'est sûr que Ram Sport arrive avec le V8 5.7 litres, 395 chevaux, 410 livres-pieds de couple. Ouais. C'est un petit peu violent sur la consommation de carburant, quand j'imagine, même. Ouais, j'imagine. Mais bon, c'est pas, on est quand même pas là dans... Honnêtement, j'ai été agréablement surpris parce que, bon, il y a la désactivation des cylindres. OK. Donc, à vitesse de croisière, tu as 4 cylindres sur 8 qui, en théorie, ne fonctionnent pas. Donc, tu n'en as pas besoin. Et sincèrement, ça a fait un bon boulot. OK. C'est pas... on s'entend pour dire que c'est pas une hybride, là. Loin de là. Loin de là. Non. Ouais. Mais c'est quand même intéressant. C'est pas si mal. Sauf que, bon, évidemment, c'est un Ram. Ça veut dire capacité de remorquage d'à peu près 9000 livres, là. 8200 livres, en fait, dans la version de base. À peu près 2600 livres que tu peux transporter dans la boîte sans problème. La boîte a été un peu surélevée. Ça, pour moi, c'est un petit problème. C'est pas beaucoup, c'est 33 mm. Mais 33 mm, quand tu mesures 170 cm, ça paraît. Ouais, OK. Je peux vous le dire. C'est un peu pire que pour quelqu'un qui mesure 6 pieds, mettons. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est mon fils, ça avait pas trop de problèmes, mais moi, un peu plus. Et étonnamment, contrairement aux autres, par exemple, parce que de plus en plus dans le créneau, ce qu'on sait, c'est qu'on a mis des petites marches ou des escaliers amovibles ou des trucs comme ça. Dans le cas du Ram Sport, il n'y en a pas. Okay. Donc, il faut vraiment que tu t'étires puis que tu dises OK, je vais essayer d'y aller, je vais essayer de m'étirer. C'est plus difficile dans mon cas, comme je te dis, parce que je suis un petit peu moins grand. Mais bon, ceci étant dit, c'est quand même un véhicule qui est fort intéressant. Un véhicule qui est assez confortable aussi. Évidemment, très, très spacieux. Évidemment, tu sais, on a beaucoup aménagé l'intérieur pour le rendre plus agréable. C'est vraiment là super intéressant de ce point de vue-là. Mais comme j'ai dit, la version sport, c'est essentiellement juste le capot. C'est un échappement sport, c'est des roues de 22 pouces, 20 pouces, ça dépend. Là. C'est essentiellement et typiquement une question de design, une question d'esthétique. Mm-hmm. Alors moi, je trouve ça vraiment, vraiment le fun. J'ai beaucoup aimé. Écoute, à part ça, tu sais, dedans, c'est vraiment le Liu Connect que tu connais bien, qui est un système qu'on connaît bien. Tu sais, on a complètement remanié, évidemment, l'intérieur de la cabine du Ram l'année passée. Pour cette année, là, pour le 2019, entre autres, c'est complètement refait. C'est beaucoup plus réussi, meilleure ergonomie. Tu sais, on a vraiment amélioré. Moi, c'est le look, comme je te dis, qui est un peu ma déception parce que moi, j'aimais le côté différent, le côté gros tough que l'ancien Ram avait puis qu'on a un peu perdu dans cette déclinaison-là, mais dans l'ensemble, on peut quand même pas dire que c'est un véhicule qui est désagréable, là, vraiment pas. Non, c'est un peu le mauvais garçon de la série des camionnettes, là. Tu sais, GM, Ford, oui, ont des beaux véhicules, mais c'est plus ça a l'air un peu plus cossu. On met du chrome, ça a pas l'air juste d'un camion méchant, tandis que le Ram avait ce design méchant, mauvais garçon-là. Puis c'est peut-être ce qui le démarquait un peu du lot. Ouais. Est-ce que ça peut-être affecter Ben oui, puis non. Moi, je pense que de plus en plus, de toute façon, ces camions-là sont devenus des véhicules familiaux, ouais, qui veulent vraiment qu'ils plaisent à plus de monde. Le Ram avait peut-être une liste de consommateurs plus masculin. On okay. a voulu féminiser ça un peu. Okay. Je pense que ça fait partie de ça. Mais honnêtement, c'est vraiment, vraiment une belle réussite. Et on a considérablement amélioré. Alors que l'ancien Ram était, disons, assemblé un peu en bout de ligne. Okay. On a considérablement amélioré la qualité de finition de ce véhicule-là. Alors, honnêtement, moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé ma semaine. Et dans le cas du Ram, ben, c'est toujours, comment je pourrais dire, tu sais, peu importe la déclinaison que vous prenez, là, on parle du sport parce que c'est celui que j'ai essayé, mais on pourrait avoir n'importe quelle version du Ram et c'est un véhicule qui va se démarquer dans sa façon d'être parce que c'est un peu différent. Les suspensions sont un peu plus rigides que sur les autres camionnettes, à mon avis. Fait que moi, je n'ai pas grand-chose à dire de méchant sur ce véhicule-là. Surtout qu'on va s'entendre, là. Entre un Ford F-150, un Chevrolet Silverado et un Ford un Ram 1500, c'est vraiment beaucoup une question de feeling, c'est une question de choix et c'est une question d'équipement et de promotion à quel moment vous l'achetez puis à quel moment vous le voulez parce que les options sont gigantesques. Il y en a, là. Je ne sais plus il y a combien de déclinaisons possibles, puis je ne sais plus il y a combien d'options possibles. Donc, je pense que pour toutes les camionnettes, c'est vraiment une question de choix et de confiance, et c'est à vous de le faire. Moi, j'aime le Ram, mais comme tu l'as dit, j'ai toujours aimé le Ram, fait que ben, j'étais un petit peu vendu. D'un autre côté, je ne déteste pas non plus le F-150. Le Silverado, c'est mon moins préféré parce que j'aime moins le look, mais c'est strictement une question de look. Quant aux capacités, ben, j'ai rarement l'occasion de les amener au maximum de leurs capacités. Alors, c'est pour moi un peu difficile à évaluer à ce niveau-là. Ouais, puis en passant, si vous ne travaillez pas avec, vous n'avez pas de besoin de tracter quelque chose, prenez un Ram avec un V6. Ça va coûter moins cher en essence. Il y a le 3.6, ouais. Le V6 3.6 Pentastar qui est un moteur extrêmement efficace. Mais tu sais, c'est pour ça que je te dis, il y a, tu sais, quand tu regardes le nombre de déclinaisons possibles d'une camionnette comme le Ram, ouais, c'est aberrant. C'est complètement fou. Ouais. Tu sais, j'ai déjà comparé sur le Ford F-150, de mémoire, il y avait comme 91 déclinaisons, tu sais, 91 combinaisons possibles. 4x2, 4x4, cabine 5, cabine double, crew cab, boîte courte, boîte longue. Ça finit plus, puis ça te fait un véhicule qui commence à 25 000 $ puis qui, si tu montes dans le plus haut, approche, tu sais, 78, 80, là, avec toutes les options possibles, là, tu peux monter ça, ça finit plus. Là. Tu vois, je regarde le Ram, là, les prix, là, ça va, le classique ST 4x2 qui est la part à 36 000 et le Limited 4x4 avec la cabine double et la longue boîte est à 75 000. Oui, ça commence à faire une bonne différence de prix entre le plus bas et le plus haut. Là. C'est ça. C'est pour ça que je te dis, tu sais, c'est difficile de dire « Ah oui, celui-là, ou mieux que celui-là. » C'est beaucoup, beaucoup une question de feeling, une question de ressenti quand on conduit. Moi, j'aime le Ram, je le répète. Et j'ai bien aimé ma semaine au volant du Ram Sport. Je suis obligé de dire, par exemple, qu'il y a un petit détail que je dois mentionner. Moi, j'ai pas eu de problème avec ce camion-là toute la semaine. Okay. Je l'ai conduit sans problème, sans difficulté. Quand je l'ai ramené lundi matin, je l'ai laissé dans la cour à l'endroit où on va. Là. Bon, eux l'ont rentré dans le garage pour le laver. Une fois dans le garage, le moteur n'a pas voulu repartir. Ah, OK. Finalement, il a fini par repartir et ils l'ont stationné, mais on n'a toujours pas trouvé pourquoi, à ce moment-là, il s'était complètement éteint et a refusé de redémarrer. Il y avait le cœur brisé que tu ailles le porter. Peut-être. C'est ce que je me suis dit. C'est une peine d'amour. C'est ça, ouais. C'est une peine d'amour. Marc m'a laissé. Ouais, c'est ça. C'est bon. Bon, alors, si on y allait plus sérieusement, t'as essayé quoi, toi, cette semaine? Moi, j'ai essayé la Volkswagen Jetta 2019. Je vais le dire en partant, je n'ai jamais été un fan de la Jetta parce que c'est vraiment comme... Ben, au départ, la Jetta était la Golf pour les Américains parce que les Américains voulaient rien savoir d'une voiture à hatchback. Donc, ils ont sorti comme une Jetta, voiture à coffre régulier. Et puis, c'est une voiture qui est très, très américaine. Je l'ai conduite plusieurs fois, puis c'était toujours comme... Tu sais, la petite sœur moins dynamique, moins intéressante, moins belle de la Golf. J'avoue, par exemple, que pour 2019, Volkswagen a fait vraiment un super travail. J'ai adoré la voiture. Elle est belle, en tout cas. Elle est vraiment belle. Elle est jolie, elle a l'air cossue. Ça ressemble beaucoup à une Passat. Là. Ça ressemble, les lignes sont vraiment belles. On a amélioré les lignes pour que ça lui donne une allure un peu plus à l'air plus chère qu'elle est vraiment. Là. Les lignes sont vraiment jolies. L'intérieur a complètement été refait. Oui, c'est un peu fade. Là. C'est du noir sur gris. Là. C'est... Mais pour le reste, il n'y a plus de cadran de vitesse mécanique. C'est entièrement numérique. On peut changer la façon qu'on veut voir nos informations en face de nous. La conduite est confortable. On a ça, même... c'est un peu... Ça, il faut rappeler que ça ressemble un peu au cockpit virtuel d'Audi. Là. Oui, oui. Ouais, ben, c'est la même famille, disons. Là. C'est ça. On partage les technologies. Là. Mais c'est vraiment bien. Puis c'est une voiture qui a une conduite quand même dynamique avec le moteur 2 litres. 2 litres turbo. C'est une voiture qui est dynamique, qui est confortable. Il manque encore un peu d'équipement. Ce que je trouve un peu aberrant chez Volkswagen, c'est que on a la modèle le plus équipé, là. Je parle de la Comfort Line, là, la version la plus équipée, qui est 29 095 $ de base. Là. Ben là, on se ramasse avec volant chauffant, on se ramasse avec les buses de lave-vitre chauffante, mais pas de volant. Pas de volant chauffant. Pas de volant chauffant. Donc, je comprends qu'on veuille dégeler nos essuie-glaces, nos buses de lave-glace pour pouvoir s'en servir l'hiver. Mais j'aimerais ça avoir les mains au chaud. J'aime ça que mon liquide lave-glace soit au chaud, mais j'aimerais ça que mes mains soient au chaud aussi. Donc T'es rendu princesse! Ben, c'est parce que je trouve que ça a comme pas de sens. Pourquoi? Oui, je comprends que l'hiver, les buses de lave-glace vont geler, puis tu vas essayer de laver ton pare-brise, puis il n'y a rien qui sort parce que c'est glacé. Je trouve ça une bonne idée, mais pourquoi Volkswagen s'entête à pas mettre de volant chauffant dans la majorité de ses voitures? Je comprends juste pas ça parce qu'on a ça partout. Puis regarde, même la Volkswagen Comfort Line, qui est la plus haute de gamme, j'ai même pas d'option pour des sièges arrière chauffants non plus. Quand on regarde des coréennes ou des choses comme ça, rendues dans le plus haut de gamme, t'as tout de chauffant. Là. T'as les sièges avant chauffants, souvent sont ventilés. T'as le siège arrière chauffant, t'as ton volant chauffant. Pourquoi chez Volkswagen, on n'est pas capable de faire ça aussi? Parce qu'elle n'est pas donnée, là, la voiture rendue à presque 30 000 $ là, c'est loin d'être donnée. Puis on n'a même pas de confort accru pour nos passagers arrière. Je trouve ça un peu décevant pour le prix qu'on demande pour la voiture. Parce que je suis sûr, si je vais chez les Coréens encore, ben pour le même prix, j'ai une voiture qui a beaucoup plus d'équipement. Mais bon, pour le reste, le système de divertissement, c'est pas quelque chose qui va briser l'envie d'acheter une voiture. Là. C'est pas non plus ça qui va vous faire acheter cette voiture-là parce que le système de divertissement est, oh mon Dieu, super et le plus avancé de toutes les autres voitures. Ça fait le travail, ça fonctionne bien, c'est facile à utiliser. J'ai pas vérifié. Est-ce que tu es capable de te brancher Android Auto et Apple CarPlay en Bluetooth? J'ai pas essayé non plus parce que j'ai comme pas eu de super bonne expérience avec Android Auto dernièrement. Donc j'ai juste tout simplement arrêté de l'utiliser. Puis j'ai pas d'iPhone, fait que j'ai pas pu essayer Apple CarPlay. Mais je ne sais pas si on peut le faire. Parce que sur la Golf, on était capable de le faire et c'était d'ailleurs les seuls qui offraient ça parce que les autres fallait se brancher avec un fil. Ouais. Majoritairement, il faut toujours se brancher avec un fil. Eux, j'ai pas essayé. Ça serait une chose à voir. On disait par contre que c'était beaucoup plus dur sur la batterie à ce moment-là. Oui, parce que quand tu le branches avec le fil, ton téléphone se charge en même temps. Tandis c'est que ça. Là, ben, il fait juste se décharger. Donc, l'option de le brancher pour utiliser Apple CarPlay ou Android Auto, je pense que c'est une bonne méthode. justement parce que ça garde ton téléphone chargé. C'est sûr, si tu vas sur un petit court voyage, tu vas pas tellement loin, puis ta batterie se déchargera pas, c'est pas si pire. Mais si tu fais Montréal-Toronto, il y a des chances quand tu vas arriver à Toronto que ton téléphone va souffrir un peu, là, va manquer un peu d'énergie. Mais je sais pas, faudrait que je le réessaie. Je sais pas si elle est au Festival des essais la semaine prochaine. Si elle l'est, je vais l'essayer. Je vais essayer de me connecter avec Android Auto sans un fil, voir si ça fonctionne. Ça serait une bonne chose. Ce serait une bonne chose d'essayer. Donc c'est ça, la Jetta, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup le design, j'aime beaucoup le confort. L'intérieur est vraiment joli. Encore là, côté commodité, ça manque un peu comparativement aux autres véhicules. Mais je veux dire, c'est pas. Si vous connaissez, si vous êtes un amateur de Volkswagen, vous savez déjà ce que c'est. Donc, pour avoir de volant chauffant, vous êtes habitué probablement, puis ça vous dérange pas. C'est offert sur certains véhicules. Là. Les VUS souvent vont avoir l'option. J'ai eu un Tiguan, puis le Tiguan l'avait, mais la Jetta, c'est pas là. Puis à ce que je vois, c'est pas dans la liste des options dans le catalogue non plus. Mais ça, c'est pas grave. Là, je veux dire, c'est quelques fois par année qu'on s'en sert, souvent l'hiver qui s'en vient. Mais bon, pour le reste, c'est un bon véhicule. C'est un véhicule qui, comme je disais, j'étais pas un fan au début, puis celle-là, je l'ai vraiment aimé. Même j'étais un peu déçu de la retourner parce que j'avais commencé à m'habituer à son style de conduite. Puis il y a beaucoup d'espace. C'est quand même assez grand. Il y a de l'espace à l'arrière, de l'espace à l'avant, un coffre de bonne taille. Fait que c'est un véhicule qui est assez complet et qui est bien réussi. Donc, ça commence à 20 995 pour le modèle de base. Moi, c'est l'Exec Line. Le Comfort Line, c'est la version de base. C'est Comfort Line, ouais. I-Line puis Exec Line. Moi, c'est la Exec Line que j'avais. Mais la version de base est un peu moins que 21 000, on va se dire les vraies choses. La I-Line 24 puis l'autre est 27,6, donc 28 000. Donc, c'est un bon véhicule. Si vous aimez ce genre de véhicule-là, je pense que ça vaut la peine d'aller peut-être faire un tour et voir ce que ça donne. Ils l'ont beaucoup amélioré depuis l'an passé. Donc, c'est une très bonne chose. Ben, c'est bien, effectivement. Mais comme je te dis, je vais être franc avec toi. Je n'en ai pas encore conduit la Jetta. OK. Je vais la conduire bientôt. Ça n'a juste pas donné. Là. Il y a eu toutes sortes d'affaires récemment, toutes sortes de voitures récentes. Donc, je n'ai pas eu l'occasion de le faire encore, mais ça ne saurait tarder, j'imagine. Ben oui, tu vas pas te gâter un petit peu. C'est une belle, un beau petit véhicule. Aussi, ben, transmission, il y a une possibilité d'avoir une manuelle à 6 vitesses, mais la transmission automatique, c'est une transmission à 8 rapports. Donc, c'est bien. Puis je disais que c'est un moteur 2 litres, mais pas un 2 litres, c'est un 1,4 litres turbo dans la Jetta. Puis ça fait le travail, là. C'est un moteur qui est nerveux puis qui est agréable, là. Tellement que j'ai pas vraiment remarqué la différence entre le 2 litres puis le 1.4, donc c'est quand même bien. Marc, on va terminer là-dessus. Si les gens veulent te rejoindre, comment font-ils cela? Ben, la meilleure façon, c'est sur Facebook. Je pense que c'est l'endroit le plus simple pour me rejoindre. Sinon, ben tout simplement en passant par mon blog marcbouchard.ca, par Instagram Bouchard-Marc, ou encore, bien sûr, en nous écrivant conjointement à info@saroudradio.com. Quand même, ça faisait plusieurs fois que je l'avais de fil, là. Ben oui, t'es enfargé. Ouais, c'est peut-être parce que l'automne arrive, tes jambes gelées, puis tu t'enfarges. moi, si vous voulez me rejoindre, c'est sur Twitter, Scalazormo. Sur Facebook, Luc Desormeaux. Sur Instagram, Desormeaux Luc. Vous pouvez nous écouter à travers iTunes, Google Play et maintenant aussi Spotify. Et puis, vous pouvez nous écouter aussi sur les radios web, sportradio.ca et Radio Média Plus. Donc, merci Marc, encore une fois, d'avoir fait cette belle émission avec moi. Merci à nos auditeurs qui nous écoutent sporadiquement ou fidèlement. On vous aime quand même. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Bye tout le monde. Bye.